Parlez-vous avec X, Patrick Pénaud. Les nazis les appelaient les Trois Rouges. Trois émetteurs clandestins situés en Suisse, par lesquels ont transité vers Moscou des renseignements militaires de première importance. Des informations précises qui ont peut-être permis à l'armée rouge de remporter des victoires décisives à partir de 1942. Mais si l'on sait qui étaient les opérateurs de ces Trois Rouges, on s'interroge toujours sur l'origine de leurs sources et de leur identité. Qui étaient-ils ? Des officiers supérieurs appartenant à l'entourage proche de Hitler ou bien des membres éminents de ses services de renseignement ? Et comment ces précieuses informations parvenaient-elles en Suisse ? Par quel canal ? Autant le dire tout de suite, il s'agit là de l'un des plus grands mystères de la Seconde Guerre mondiale. Et ceux qui ont tenté de le résoudre ont émis les hypothèses les plus échevelées. Monsieur X a bien sûr son idée, nous l'écoutons dans un instant. C'est aussi l'occasion pour lui de brosser le portrait de quelques personnages étonnants, les protagonistes de ce redoutable orchestre rouge suisse. La belle Suisse a bien des attraits, c'est là que ses bois et ses chalets. Elle a aussi le fameux ouin-ouin, et puis une chose qu'on connaît moins, une marine d'élite du plus grand mérite qui fait flotter le pavillon sur toutes les eaux de la Confédération avec beaucoup de distinction. Dans la marine suisse, y a pas de matelots, car la marine suisse n'a que des amiraux. Tout galonné, décoré, doré, tout chamarré, pomponné, paré. Ils sont si fiers et beaux, oh oh, si beaux, oh oh, sur l'eau, oh oh, qu'il ne faut pas le dire trop, oh oh, parce qu'il le croirait aussitôt. Même si l'on est marin miniature, on n'a pas le goût de l'aventure. L'été résume, on reprend la merveilleuse vie d'embarcadère. Surtout qu'au beau jour, capitaine amour souvent fait perdre la tête. Qu'on trouve un jupon qui s'envole, tout de suite on en perd la boussole. Ici, oh, ici. Allons, allons, les passagers, pour l'Itri, Puyi, Puyi, Ushi. Allons, allons, dépêchez-vous. Dans la marine suisse, on est tout chaviré. Quand on connaît le délice d'embarquer une beauté, on prend des airs de mâle fierté, comme les corsaires pour mieux aborder. Et tout devient si beau, trop beau sur l'eau, qu'on a envie de chanter. Hé hé, qu'en Suisse il fait bon naviguer, qu'en Suisse il fait bon, qu'il fait bon naviguer. Une observation d'abord. Tout au long de la Seconde Guerre mondiale, la Suisse a été un véritable nid d'espions. Oui, à cause de sa neutralité. Et de sa situation géographique. Il suffit de regarder une carte. Quand la guerre éclate, la Confédération helvétique occupe une position particulièrement délicate. Au nord, à l'est, au sud, elle voisine avec des pays de l'Axe. Et bientôt, quand la France sera occupée, même son flanc ouest sera exposé. C'est une situation d'assiégé. Ah, très inquiétante, donc. C'est même si vrai qu'au début de la guerre, et c'est une affaire très peu connue, des officiers suisses envisageront de perpétrer un putsch. Un putsch en Suisse ? Pour quelle raison ? Parce que ces militaires courageux ont eu peur que les autorités de leur pays ne se couchent devant Hitler. Ah, ils étaient donc prêts à prendre le pouvoir. Et à résister. Mais heureusement, le gouvernement suisse se gardera de faire les yeux doux aux puissances de l'Axe et veillera à respecter sa traditionnelle neutralité, même si parfois elle a été écornée, surtout en matière économique et financière. Et ces candidats putschistes, là, que sont-ils devenus ? Certains d'entre eux ont été sanctionnés, mais ça s'est seulement traduit par quelques jours de prison. Oui, on a en somme reconnu que c'était des patriotes. Et de vrais combattants de la liberté, oui. Mais je reviens à ce que je disais au début de cet entretien. En raison de sa neutralité, de sa situation géographique et de la présence sur son territoire d'organisations internationales, la Suisse a donc été un carrefour de l'espionnage tout au long de la Seconde Guerre mondiale. Et par conséquent, ce n'est pas un hasard si les Trois Rouges y ont été installés. Les Trois Rouges, trois postes émetteurs contrôlés par les services secrets de l'URSS. Par le GRU, plus précisément, c'est-à-dire le service de renseignement de l'armée rouge. Les Soviétiques avaient implanté en Europe occidentale un solide réseau d'espionnage, plusieurs années avant la Seconde Guerre mondiale. On estime qu'ils étaient plus d'une centaine d'agents installés en Belgique, en France, en Allemagne et donc en Suisse. Oui, c'est ce qu'on a appelé plus tard l'Orchestre Rouge. Hein. Et parmi ces agents, il y avait des gens comme Trepper, Robinson, Sokolov, et pour la Suisse, Sandor Rado, le résident en titre du GRU, un personnage atypique. Pour un espion, en tout cas. Ah, bon, typique, raconté. Bah, sa vie est un vrai roman. Je n'aurai pas assez de cet entretien pour vous la conter. Alors, voyons seulement ce qui a précédé son implantation en Suisse. Sandor Rado est né à l'orée du XXe siècle, dans une famille juive de Hongrie. Son père est un ferrailleur qui a réussi. Le garçon est brillant. Musicien, Sandor est aussi polyglotte. Avant la fin de la Première Guerre mondiale, il est mobilisé dans l'armée austro-hongroise. Mais dès qu'il est libéré, il est aspiré par la mouvance communiste. Ouais, l'Europe centrale est alors en pleine ébullition. Hein. Oui, et le jeune homme ne tarde pas à quitter son pays pour gagner Vienne, où il va travailler pour les organes extérieurs de la toute jeune URSS. Il y a les services de renseignement. Pas tout de suite. Hein. Il intègre d'abord la Rosta, le bureau russe d'information. Qu'est-ce que c'est ? C'est un centre de propagande communiste pour l'Europe centrale. En même temps, tout en se livrant à quelques travaux journalistiques, Sandor Rado donne libre cours à sa véritable vocation, la géographie. Une discipline qu'il étudie à Vienne, puis plus tard à Leipzig. Rado devient un cartographe de grand talent, un novateur même. C'est lui qui publie les premières cartes sur la guerre polono-soviétique de 1920. Il va ensuite concevoir les premières cartes routières des républiques soviétiques, puis les cartes des routes aériennes. Ouais. Donc un pionnier en matière de cartographie. Incontestablement. Et parallèlement, il n'oublie pas la politique, bien au contraire. En 1921, Rado se rend à Moscou pour suivre le troisième congrès de l'Internationale communiste en tant que directeur de Rosta, Vienne. Mais il est sans doute aussi un représentant du Parti communiste hongrois clandestin. À ce titre, il intègre le Comintern et s'installe à Berlin. Ouais, le Comintern, c'est l'organe de direction de l'Internationale communiste. Oui, et il y milite aux côtés de son épouse, Hélène Janssen, une femme de lettres. Enfin, c'est au milieu des années 30 qu'il saute le pas. Il est versé dans les services de renseignement de l'URSS. Mais il continue à s'adonner à sa passion, la géographie. Ainsi, à Berlin, il crée l'agence GeoPress, qui propose des supports cartographiques en relation avec l'actualité. Alors, la géographie, c'est pas simplement une couverture pour dissimuler ses activités clandestines. Non, mais ça lui permet de justifier ses nombreux voyages à travers l'Europe. En 1933, la famille Rado s'installe à Paris et Sandor y transfère ses activités professionnelles. Puis, trois ans plus tard, le couple déménage à Genève. Et GeoPress suit ? Oui, mais pour peaufiner sa couverture, surtout dans un pays, la Suisse, où l'on n'apprécie guère le marxisme, Rado se fait accréditer comme journaliste auprès de la SDN. Ouais, la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. Et il multiplie ses activités éditoriales. Il est par exemple membre de la Société des libraires et éditeur de la Suisse romande, et de beaucoup d'autres cercles. Et Rado est donc parfaitement intégré. Et il connaît beaucoup de monde. Est-ce qu'il est déjà le résident du GRU, là ? Oui, ce qui montre que le service de renseignement de l'armée soviétique a entièrement confiance en lui, car le poste de Genève est important. Surtout à une époque où il est déjà évident que les menaces s'accroissent au niveau international. Question là, à partir de 1937, Staline procède aux premières purges. Hein, et c'est particulièrement évident dans l'armée et les services de renseignement où les bolcheviks historiques sont rappelés à Moscou. Pour y être jugés, généralement exécutés, oui. Oui. Alors, Rado, lui, passe à travers les mailles du filet stalinien. En effet. Et en 1938, on lui envoie un Anglais, Alexander Foote, qui sera l'un de ses opérateurs radio. Mais nous reparlerons de ce personnage. En tout cas, En cette période d'avant-guerre, Radeau est incontestablement l'un des maillons forts du réseau d'espionnage soviétique en Europe occidentale. Et le centre ne cesse de lui demander des informations sur les préparatifs de guerre dans l'Allemagne nazie. Ça signifie que Radeau dispose de sources d'informations là-bas. Ça semble a priori évident. Et là, nous entrons dans la partie la plus mystérieuse de ce dossier. Enfin, n'allons pas trop vite. Mais que voulez-vous dissimuler ? Écoutez, je ne veux pas déflorer la suite de ce récit, mais la nature des sources de Radeau et des autres membres du réseau suisse est très controversée. Toutefois, un petit peu de patience. À côté de Radeau se trouve à Genève une autre résidente du GRU, une certaine Rachel Dubendorfer, alias Sissi. Sissi. Pourquoi ? Mais parce qu'elle est la sœur d'une autre espionne soviétique, d'où ce pseudo qu'on lui a attribué. Sissi, sister. C'est ça. Mais deux résidents du GRU dans la même ville, pourquoi ne risque-t-il pas de se concurrencer ? Il est certain qu'à Moscou, le centre n'a pas dû être mécontent de susciter une certaine émulation entre ces deux résidents. Mais assez rapidement, ils collaboreront. Alors maintenant, parlez-moi de cette Sissi, là. Rachel Dubendorfer s'est fixée à Genève bien avant Radeau. Cette juive allemande a fui Berlin au début des années 30. Et en Suisse, elle s'est d'abord installée chez sa sœur, Rosie. Oui, qui est donc aussi un agent soviétique. Et une correspondante du fameux Henry Robinson, qui, lui, est installé en France. Mais enfin, revenons à Rachel. Dès 1933, Moscou lui demande de créer son propre réseau d'espionnage. Elle a une couverture, elle ? Elle travaille au Bureau international du travail où elle est employée comme secrétaire dactylo. Et a-t-elle une expérience en matière de renseignement ? Elle se forme sur le terrain sous l'autorité de deux autres femmes qui sont des officiers haut placés au sein du GRU. Mais ensuite, elle vole de ses propres ailes. Et quel genre de renseignement envoie-t-elle à Moscou ? Sissi recueille essentiellement des informations sur les usines suisses d'armement et les livraisons qu'elles effectuent vers l'Allemagne nazie. Un domaine très sensible, car les Suisses opèrent ces ventes dans le plus grand secret. La jeune secrétaire, qui est aussi courageuse qu'opiniâtre, a donc dû recruter des informateurs au sein même de ces usines. Des sympathisants communistes. Mais il leur faut être très prudent, car les services de contre-espionnage de la Confédération sont vigilants. Quoi qu'il en soit, les deux réseaux, celui de Sissi et celui de Radeau, travaillent indépendamment l'un de l'autre. En s'ignorant mutuellement, alors. Et cette situation perdurera jusqu'au printemps 1941, date à laquelle le centre ordonnera à Sissi de rejoindre l'organisation mise en place par Sándor Radeau. Elle passe donc sous la coupe du Hongrois. Tout à fait. Mais cette subordination ne s'établira pas sans que naissent de fortes tensions entre les deux agents. D'autant plus que Sissi tient essentiellement à protéger ses sources. Ah oui, et donc à dissimuler à Radeau leurs identités. Et ce dernier n'aura de cesse, sur l'ordre de Moscou, de percer ce secret. Mais Sissi ne cédera jamais. Avant la Seconde Guerre mondiale, Arthur Koestler, lui-même membre du Parti communiste, a beaucoup fréquenté Sándor Radeau, qui était l'un de ses amis. Quand au cours des années 30, le Hongrois était installé dans la région parisienne, Koestler était souvent invité chez les Radeau, dont la maison de Meudon était pour lui un havre de paix. L'écrivain souligne aussi que Radeau, qui appartenait à la plupart des grandes sociétés européennes de géographie, avait le don de se lier avec nombre de figures importantes de son temps, comme le célèbre mécène Albert Kahn. Il raconte même qu'au cours d'un voyage aérien, Radeau a sympathisé avec un passager anonyme qui s'est révélé être Albert Ier, le roi des Belges. Il brosse ce portrait de son ami. Il était petit et gros, avec un gentil visage rond d'intellectuel. bon et chaleureux de nature, mais timide et contraint dans ses relations personnelles, comme c'est souvent le cas chez les savants. En outre, distrait et gauche, il me rappelait le personnage du gros écolier bon garçon, maladroit au jeu et cible de maintes farces, acceptées avec bonne humeur. Alors il est temps de parler d'un autre personnage qui d'ailleurs n'est pas moins fascinant que Radeau, Rudolf Roessler. Alors, d'où vient-il et comment intervient-il dans cette affaire d'espionnage ? Roessler est un Allemand né à la fin du 19e siècle. Après la Grande Guerre, ce littéraire et journaliste et éditeur de revues. Mais c'est surtout le théâtre qui l'intéresse. Un milieu qui bouillonne dans le Berlin de l'après-guerre. Et Roessler fréquente alors tous ceux qui comptent. Autre donnée importante, c'est un catholique pratiquant, un chrétien démocrate, qui prend conscience très vite du terrible danger que représente la montée en puissance du nazisme. Alors c'est donc un catholique convaincu qui sera amené à collaborer avec un réseau communiste. En effet, c'est un point qu'il ne faut pas oublier. Enfin, laissez-moi poursuivre. Après l'arrivée au pouvoir d'Hitler, Roessler et son épouse Olga s'enfuient en Suisse. Et en 1937, il sera déchu de sa nationalité allemande. Et que fait-il en Suisse, là ? Il crée à Luzerne les éditions Vita Nova, qui publieront les grands écrivains classiques. Et politiquement ? Même exilé, il n'a pas renoncé à combattre les nazis. Ouais, mais en Suisse, que peut-il faire ? Ce rat de bibliothèque qui vit comme un moine allume cigarette sur cigarette et consomme quantité de café, confectionne une véritable base de données sur son pays natal. Des cartes, des informations économiques sur le Troisième Reich. Ouais. Qu'a-t-il derrière la tête, hein ? Il doit imaginer que l'accumulation de tous ces renseignements, pour un jour ou l'autre, est utile aux démocrates allemands qui engageront la lutte contre les nazis. À moins qu'il n'ait déjà l'idée de créer un réseau de renseignements. Tout seul ? Non, il a fait une rencontre qui l'a sans doute influencé. Xavier Schnepper est un lucernois devenu son ami. C'est même lui qui lui aurait proposé de venir s'installer à Lucerne, alors que Roessler pensait plutôt émigrer à Vienne. Bibliothécaire cantonal, Schnepper est surtout un proche d'un certain Osaman, encore un personnage hors du commun. Ouais, racontez. Hans Osaman est un officier suisse, farouchement démocrate et anti-nazi, et qui a très peur que son pays ne soit gagné par la contagion nazie. C'est pourquoi, assez tôt, il prend une initiative originale. Au cours de ces années 30, il crée à travers toute l'Europe un vaste réseau d'informateurs qu'on appellera bientôt le bureau HA. Ah, comme Osaman. Et pourtant, la Confédération helvétique possède déjà un service de renseignement. C'est exact. Et ça n'ira pas sans un écroche. Car le bureau HA n'a pas vraiment d'existence officielle et tient à son indépendance. Ce que lui permet la grande qualité des renseignements qu'il recueille. Mais la guerre approchant, les deux services seront conduits à coopérer. Et l'organisation de Osaman finira même par être intégré en septembre 1939 dans l'armée suisse et donc le service de renseignement. Et l'homme lui-même, Osaman, là, qui est-il ? Pour avoir pris une telle initiative, vous pensez bien que ce n'est pas un personnage ordinaire. Hans Osaman est volontariste et possède un grand talent d'organisateur. C'est aussi un homme qui se donne sans compter. Il décode lui-même les messages qui lui arrivent en provenance de toute l'Europe et du monde. Et surtout d'Allemagne et des pays qui vont être envahis. En retour, il chiffre lui-même les messages qu'il expédie à ses agents, qui, il faut le noter, sont souvent des bénévoles. Ouais, donc des gens qui partagent la même crainte du nazisme. Évidemment, c'est ce qui soude tous ces agents. Et politiquement, lui, où se situe Osaman ? Osaman est un modéré, plutôt de gauche, un visionnaire aussi, en juin 41, après l'invasion allemande du territoire soviétique. Il annonce solennellement aux autorités suisses, civiles et militaires, que le Troisième Reich finira par être vaincu au terme d'une longue guerre à laquelle participeront les États-Unis. Une prévision que peu de personnes se seraient risquées à faire à cette époque. Hein. Autre trait de caractère de cet homme exceptionnel, c'est un patriote intransigeant. Il sera de ce complot des officiers de juillet 1940. Ouais, autant d'hommes prêts à prendre le pouvoir si jamais le gouvernement suisse s'était couché devant les autorités allemandes. En démobilisant, par exemple. Alors, retrouvons Rudolf Roessler et son ami lucernois, Schnepper. C'est celui-ci qui lui propose de rencontrer Osaman, qui bien sûr est toujours à la recherche de personnes bien renseignées sur l'Allemagne. Mmh. Et comment ça se passe, hein ? Ah ben, le courant passe entre les deux hommes. Ressler, le solitaire, accepte de fournir ses analyses et ses informations sur la situation allemande au bureau A. Gratuitement ? Bah, la question n'a pas été tranchée. Selon certains experts, Ressler n'aurait pas été totalement désintéressé. Mais après tout, il devait sans doute rémunérer ses propres informateurs, et ça ne me semble pas choquant. D'accord. Mais pour l'instant, d'après ce que vous m'avez dit, là, il y a donc deux entités distinctes. D'une part, il existe à Genève là, un réseau soviétique avec Rado et Sissi, et de l'autre, il y a Osaman et Ressler, qui ne sont pas des communistes. C'est exact. Mmh. Mais bientôt, les deux réseaux vont se rencontrer. Et ça va donner naissance à un formidable outil d'enseignement, l'un des plus importants de la Seconde Guerre mondiale. Et comment la jonction se fait-elle alors ? Ressler a chargé l'un de ses collaborateurs, Christian Schneider, de créer une succursale à Genève pour sa maison d'édition Vita Nova. C'est un homme qui jouit de l'entière confiance de Ressler, à tel point que l'éditeur ne lui a jamais dissimulé qu'il se livrait à un discret travail de renseignement. Il lui est même arrivé de lui envoyer quelques-unes de ses précieuses fiches. Or, il se trouve que Schneider est un ancien du Bureau international du travail où il était traducteur. Je vois où vous voulez en venir, là. Ce Schneider connaît donc Rachel Dubendorfer, alias Sissi, qui travaille dans cette même organisation internationale. Alors, comment vont-ils être amenés à coopérer ? Ça, c'est l'un des nombreux mystères de cette affaire. Sissi lui a-t-elle révélé qu'elle travaillait pour un réseau soviétique ? Non, je ne sais pas. Mais pour que Schneider ait envisagé de lui parler des fiches de son patron Ressler et même de lui en communiquer certaines, il a bien fallu que l'un et l'autre se disent une partie de la vérité. En tout cas, désormais, Sissi, et donc le réseau Rado, va avoir connaissance des informations de Ressler, nom de code Lucie. Lucie pour Lucerne. Ouais. À votre avis, pourquoi Ressler, catholique pratiquant, a-t-il accepté de coopérer avec un réseau soviétique ? Oh, parce qu'il a estimé que la fin le justifiait. La fin, c'est-à-dire la défaite de Hitler. Mais notez bien que parallèlement, il gardait des contacts avec Osaman et par conséquent avec le service de renseignement suisse. Mais attention, Ressler a mis en place des garde-fous. Sissi et a fortiori Rado ne sauront jamais qui est Lucie. Rachel Dubendorfer s'est même engagée à ne jamais dévoiler le nom de son interlocuteur, son ancien collègue du BIT, Schneider. Et bien sûr, elle-même ne rencontrera jamais Ressler, ce qui, je crois vous l'avoir dit, agacera au plus haut point Moscou. Ouais, Moscou, qui voudrait savoir. Et ça se comprend très bien, ne serait-ce que pour vérifier l'authenticité des renseignements fournis par Lucie. Parce que la valeur de ces renseignements ne suffit pas. En matière d'espionnage, on n'est jamais assez soupçonneux. Mais vous avez raison de parler de la valeur des informations fournies par Lucie via les émetteurs de Sandor Rado, car certaines vont se révéler stupéfiantes et ont sans doute eu d'importantes conséquences sur l'évolution de la guerre à l'Est et donc sur les victoires de l'armée rouge. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Les renseignements fournis par Lucie, nous allons bien entendu en reparler. Une première estimation tirée du livre de Genoveva Etienne et Claude Moniquet sur l'espionnage mondial. Il y a tout dans les renseignements de Lucie. Des analyses de l'Abwehr sur la situation en URSS, des consignes du grand quartier général du Führer pour la conduite de la guerre à l'Est, l'annonce des offensives prévues et leur ordre de bataille, les mouvements d'armée et les déplacements de divisions. Mieux, le GRU ne met pas longtemps à se rendre compte que souvent, Lucie est en possession d'ordres de marche qui ne sont pas encore parvenus aux unités concernées. Mais qu'importe d'où Lucie tire ses renseignements. Ce qu'il fournit via les pianos de Rado au centre, c'est de l'or en barre, à tel point que les spécialistes du GRU ont parfois l'impression de lire par-dessus leur épaule les documents rédigés par les généraux d'Hitler. Selon certaines sources, la première et importante contribution de Lucie Rössler aurait été de prévenir Moscou de l'imminence de l'invasion allemande de juin 1941. Oui, l'opération Barbarossa. Hein. Oui, mais vous le savez, Staline n'en tiendra pas compte, comme il n'a pas tenu compte non plus des informations transmises par Richard Sorg et d'autres. Mais pour la source Lucie, ça n'a pas été entièrement négatif. Et pourquoi alors? Parce que les analystes du GRU ont eu là la preuve de la valeur des renseignements émis par Lucie via le poste émetteur de radio. Mais c'est à partir de 1942 que va s'amplifier la transmission des messages de Lucie vers le réseau radio et ensuite vers Moscou. Au fil des mois, la précision des informations de Lucie est telle que Moscou demande à ses agents d'accélérer la cadence de transmission. Et c'est pourquoi Radio va procéder à l'installation de deux autres émetteurs radio à travers le pays. Ouais, ce seront donc les Trois Rouges, comme les Allemands vont les appeler. Hein. Oui, désormais Radio et Sissi travaillent d'arrache-pied pour transmettre les renseignements de Lucie. Le chiffrage et le déchiffrage des messages les occupent presque jour et nuit. Et les trois postes émettent sans interruption. Ouais, ce qui est dangereux, ça permet leur éventuel repérage, ça. Bah, on va en reparler. Alors le contenu, de quoi s'agit-il? Essentiellement des plans précis de la Wehrmacht concernant les batailles de Kharkov, où l'armée rouge avait pu échapper à l'encerclement début 1942 grâce aux renseignements de Lucie. Puis des informations sur le siège de Stalingrad. Oui, c'est Stalingrad, un véritable tournant dans la guerre. Hein. En effet. Ouais. Alors, avant d'aller plus loin, il faut donc considérer que Lucie disposait d'un extraordinaire réseau d'espions au sein même du pouvoir allemand. Ah ben ça, on peut l'imaginer. Mmh. Mais vous n'en êtes pas sûr. Bon, encore un tout petit peu de patience, Monsieur Pénaud. Bon, alors, autre question. Si réellement Rössler est à la tête de ce réseau, comment les informations lui parviennent-elles en Suisse? Les espions qui lui fournissaient ces informations si précieuses ne pouvaient évidemment pas utiliser les émetteurs. En Allemagne, car, ouais. Oui, car sur le sol allemand et dans un pays qui fourmillait d'indicateurs et d'agents nazis, ça aurait été éminemment risqué. Donc, certains spécialistes ont imaginé l'hypothèse suivante. Rössler devait disposer d'un service de courrier très performant. Ça a d'ailleurs été confirmé très tardivement en 1966 par Schnepper, l'ami lucernois de Rössler. D'après lui, les renseignements arrivaient par voie téléphonique sur une ligne de service de la Wehrmacht jusqu'à Milan. Une ligne non surveillée, donc. Et puis ils étaient relayés par courrier jusqu'à Lucerne. Un système un peu compliqué. Hein. Ah, apparemment efficace. Pour en finir avec les informations décisives transmises par Lucie et son réseau, il faudrait aussi évoquer la formidable guerre de blindés qui aura lieu à Koursk au cours de l'été 1943. Et qui se terminera au bénéfice des Russes. Hein. Mais si l'armée rouge a pu contrer l'opération Citadelle, c'est-à-dire la dernière grande offensive allemande sur le front oriental, c'est que les soviétiques avaient eu connaissance des plans allemands. Encore Lucie? Ah, pas seulement, car il semble bien que les services britanniques, qui pouvaient depuis longtemps voir clair dans les messages militaires allemands... Oui, c'est grâce au décryptage des machines allemandes à coder, hein, Enigma. Oui, ouais. Oui. Eh bien, les Britanniques, comprenant le terrible enjeu de cette bataille, ont aussi informé leurs alliés soviétiques, sans leur dire bien évidemment d'où ils tiraient leurs informations. Ouais, au risque de susciter la méfiance de Staline. Dont les services de renseignement avaient certainement plus confiance en Lucie, qui leur avait donné à maintes occasions la preuve de sa crédibilité. Mais j'en viens à la partie la plus sombre de cette histoire. Le démantèlement à l'automne 1943 des réseaux soviétiques de ce que l'on a appelé l'Orchestre Rouge. Et qui a été démantelé par les Allemands dès 1942 en France et en Belgique. Certes, mais les Allemands ne pouvaient pas agir au moins directement en Suisse. C'est pourquoi, parfaitement informés de l'existence des Trois Rouges, ils ont à de nombreuses reprises exigé des autorités suisses qu'elles mettent fin aux activités des espions sur leur territoire. Mais les Suisses ont traîné les pieds. Et il faut remarquer qu'ils ne vont se décider à agir qu'assez tardivement. Et surtout à un moment où se profile déjà la victoire de l'armée rouge sur le front oriental. Puisque les soviétiques sont alors en train de reconquérir la Biélorussie et l'Ukraine. Alors, À partir de septembre 1943, les services suisses de renseignement et l'armée commencent à enquêter sur les émetteurs radio illégaux implantés sur leur territoire. Une surveillance est mise en place. Une surveillance des émissions ? Oui, et une nuit d'octobre 1943, ils procèdent à un premier coup de filet à Genève. Quelques membres du réseau radio sont arrêtés et emprisonnés. Et je suis sûr que c'est une mesure qui vise aussi à les mettre à l'abri des tueurs de la Gestapo. En même temps, bien sûr, les deux émetteurs genevois sont saisis. Et Radeau lui-même ? Lui et son épouse parviennent à se cacher chez des amis genevois. Un peu plus tard, en novembre, c'est l'équipe de Lausanne qui tombe. L'opérateur Foot est arrêté. À cette date, seul Sissi reste opérationnel et c'est tant bien que mal de faire survivre le réseau. Oui, mais elle n'a plus d'émetteur. C'est bien regrettable car Ressler continue à l'alimenter en information. Au moins jusqu'en avril 1944, où Sissi est démasqué à son tour. Mais Rachel Dubendorfer réussira à passer en France fin 1944, cachée, et là je n'invente rien, dans la voiture personnelle du maréchal Delatte de Tassigny. Quant à Ressler, il est arrêté en mai 1944. Mais après 11 jours de détention provisoire, il est remis en liberté. Son ami Ozaman est-il intervenu ? C'est très possible. Mais il faut observer que dans les jours suivants, tous les autres seront libérés. Il n'empêche que Ressler et son ami Schneider seront jugés en 1945 par le tribunal de Berne pour avoir fourni des informations à un État étranger, l'URSS, au détriment d'un autre État étranger, l'Allemagne nazie. Oui, à cette date-là, c'est assez cocasse. Hein. Et c'est si vrai que les deux hommes seront finalement libérés pour service rendu aux Alliés. Alors, la suite en ce qui concerne Ressler, elle n'est pas très rose. Au cours de la décennie 50, il a connu des difficultés financières et il a eu à nouveau affaire à la justice. Mais pourquoi ? Il a été soupçonné d'avoir fourni à des agents de l'Est des informations mineures sur les forces d'occupation alliées. Ça lui a valu un an de prison. Et était-ce la suite, au fond, logique de ce qu'il avait fait pendant la guerre ? On peut le penser, mais je n'en sais pas plus. À sa libération, Ressler est retourné à son métier d'éditeur et il est mort à Lucerne. En 1958, dans un relatif dénuement. Mais les autres, au moins dans l'immédiate après-guerre, n'ont pas connu un sort plus heureux. Radeau, par exemple. Fin août 1944, il est passé en France grâce à l'aide de la résistance savoyarde et il gagne Paris. C'est là qu'il apprend sa condamnation par contumace par un tribunal militaire suisse. 2 ans de prison pour lui, mais aussi pour Rachel. Oui, si, si. Mais le pire se prépare. Staline entend faire le ménage dans les services secrets soviétiques. Des agents sont tantôt accusés d'avoir eu des contacts avec les Britanniques, tantôt avec les nazis. Rappelés à Moscou, ceux qui ont le malheur d'obéir ou pire d'être capturés sont rapidement jugés et expédiés au goulag. Ce sera le cas de Trepper, je vous le rappelle. Pour être tout à fait honnête, il se mêle aussi à ces affaires de pseudo-trahison des règlements de compte entre agents. Des querelles qui avaient été mises sous le boisseau pendant la guerre. Ouais. Sandor Radeau s'est rendu lui aussi à Moscou ? Et il était même confiant car il pensait recevoir l'ordre de Lénine qui lui avait été décerné par radio. Mais à l'escale du Caire, il a réalisé que les soviétiques qui l'accompagnaient étaient d'abord chargés de le surveiller. Il a essayé de se rendre aux Anglais, mais ceux-ci, pour ne pas envenimer leur relation avec Moscou, on finit par le remettre à la délégation soviétique qui l'a expédié aussitôt en URSS. Il restera près de 10 ans au goulag. Et ensuite, puisque vous avez dit que sa vie était un roman. Eh bien, il revient dans son pays natal, la Hongrie, où ce géographe va devenir un personnage officiel et même choyé par le régime. Mais d'autres ont subi un sort plus cruel. Sissi, par exemple. Rachel Dubendorfer, elle aussi, a connu les camps soviétiques. Et elle succombera à une maladie contractée là-bas. Mmh. Il vous reste maintenant à répondre à la question principale. Qui étaient les espions de Lucie ? Et ont-ils seulement existé ? Non, écoutez, je ne vais pas me défiler, mais sachez qu'aujourd'hui encore, le mystère demeure. Oui, mais vous avez mis un avis. Oui, mais enfin, voyons d'abord les thèses en présence. Cette information, pour commencer. Selon la CIA, Ressler, 3 ans avant sa mort, a révélé par écrit les noms des 4 taupes qui l'informaient en Allemagne. Alors qu'il avait toujours refusé de le faire. Alors qui ? Il s'agirait du général de division Hans Oster, chef de l'état-major du patron de l'Abwehr. Ouais, ce patron, c'est l'amiral Canaris. Hein. Qui a été pendu lui-même après l'attentat contre Hitler de juillet 1944. Et ensuite, il y aurait Hans Gisevius, un autre officier de la Wehr qui a été un temps vice-consul d'Allemagne à Zurich. Ensuite, on trouve Karl Gördeler, ancien maire de Leipzig, qui a démissionné après l'arrivée des nazis au pouvoir et sera lui aussi exécuté après juillet 1944. Et le quatrième serait le colonel Fritz Bötzl, un officier de renseignement en poste à Athènes. Ça vous semble plausible ? Oui, dans la mesure où l'on sait que la Wehr recelait en son sein un noyau d'opposants aux nazis. Oui, à commencer par Canaris lui-même. Hein. Mais ces taupes, aussi haut placées fussent-elles, auraient-elles pu communiquer à Rössler les informations capitales qu'il a ensuite transmises à Moscou ? Bah, ça ne me semble pas évident, même si ces hommes ont pu ponctuellement informer Rössler. Alors, de ces doutes est née une autre thèse assez époustouflante. Quoi ? Les Britanniques, grâce à la source Ultra. C'est-à-dire les décryptages d'Enigma. Hein. Oui. Ouais. Donc les Britanniques, en possession d'importantes informations sur la guerre à l'Est, auraient choisi le canal de Rössler pour les faire passer à leurs alliés soviétiques. Et donc, sans révéler à Staline qu'ils avaient cassé le code allemand. C'était un secret qu'il fallait à tout prix préserver, même si on le sait maintenant, Staline a dû rire dans sa moustache, car grâce à l'un des cinq espions de Cambridge, Cairncross, il savait que les hommes de Bletchley Park avaient vaincu Enigma. Ouais. L'explication est séduisante, mais alors, comment ces informations parvenaient à Rössler ? Je vous ai parlé de l'opérateur radio du réseau, Alexander Foote. C'est peut-être cet Anglais qui assurait cette communication. Oui, ouais, mais ce n'est qu'une hypothèse. Ah ben malheureusement, oui, car Rössler a emporté ses secrets dans sa tombe. Enfin, il ne faut pas oublier Osaman. Et que voulez-vous dire, là ? Il disposait d'un solide réseau de renseignements. Mais, officier suisse, il était tenu à une relative réserve. Il aurait pu profiter de sa proximité avec Rössler pour informer Moscou. Sur franceinter.fr, vous trouverez les références des livres que j'ai évoqués. Et puis, je vous rappelle, le grand livre sur les réseaux soviétiques de la guerre, L'Orchestre Rouge de Gilles Perrault. Et merci à l'historien Guillaume Bourgeois pour ses savantes informations, auteur d'un article sur Sandor Rado dans la revue Hérodote. Et je signale aussi la récente parution des Grandes Mystifications de l'Histoire, un livre coédité par France Inter et signé de votre serviteur. Rebecca de Nantes a préparé cette émission. Merci aussi à Michel Biou et Fabrice Lègue et bien sûr à Monsieur Djoub. Et tout de suite après le flash de Mon Amour de Denis Chessou. Thank you.